cours numéro 1. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في هذه الدروس ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة ونكونتينو سي دروس مع إخواننا ولله الحمد on avait étudié plusieurs رسائل مع إخواننا et aujourd'hui نواصل on continue إن شاء الله تعالى et on continue نعم في دراسة هذا العلم العظيم d'étudier quelques رسائل de nos savants أئمة الإسلام رحمة الله عليهم et هذا العلم علم التوحيد أهم العلوم c'est le علم le plus important لأن الله عز وجل خلق الجن والإنس إلا من أجل هذا كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله سبحانه وتعالى il nous a créé que pour هذا pour l'adorer seul سبحانه وتعالى On doit faire des efforts, ya ikhwan, في هذا الباب كثيرا que ce soit في الحفظ que ce soit في الدروس que ce soit في المطالعة مطالعة الكتب que ce soit في الدعوة لأن هذا التوحيد دعوة الرسل جميعا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما من رسول الله سبحانه وتعالى إلا أنفوي أصن قوم سبغ الدعوة إلى هذا التوحيد وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادة الله وحده سكرتي دو الطاغوت سكرتي دو الشرك بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول كذلك في كتابه العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله Donc, أول شيء la première étape في العلم la première étape في الدعوة la chose la plus importante c'est هذا التوحيد c'est pour ça que طالب العلم الموفق il donne du temps à هذا العلم العلم الشرعي عموما et ses efforts أكثر في التوحيد والعقيدة قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب أو إلى الطبيب فالعبد il a besoin de هذا العلم الرسالة le message et le message il est fondé sur التوحيد فالعبد il a besoin de هذا العلم أكثر من حاجة المريض إلى الطب Le malade, la chakola, il a besoin de se soigner. Il a besoin de, il fait des efforts pour trouver une solution à sa maladie. Nous, tous les êtres humains, ils sont ahwaj. Il a hadha al-ilm al-azim que ce malade, il a besoin de at-tabib, d'un médecin. Trouver un moyen pour se guérir. Qala Sheikh al-Islam, fa inna آخر ما يقدر أو ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان نعم سي سعبد مقدر أنه il trouve pas un moyen pour se soigner il trouve pas le remède ou il trouve pas le médecin compétent enfin la pire des choses qui peut lui arriver et في الحقيقة ça peut être un خير لكن la chose qui peut lui arriver s'il fait il trouve pas la solution c'est de mourir موت البدن ça peut être un خير pour lui كم من الناس بتلو بمرض في الحقيقة ils sont morts على خير C'est la chose, la dernière chose qui peut lui arriver. Un avant, il peut mourir. À cause de son incompétence à trouver un remède. قال واما اذا لم يحصل العبد نور الرساله وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياه معه ابدا. اما si ce abd il fait pas des efforts في التوحيد العلم comprendre cette risala que جميع الرسل sont venus avec, et on a cité les versets قريبا فهذا ربما قلبه يموت ولو سيل vivant ولو يمشي فوق الأرض لكن قلبه ميت. وتأمل حال الكفار يعيشون كالبهائم. لماذا؟ Pourquoi? C'est quoi la différence entre nous et eux? C'est هذا النور, c'est هذا العلم, c'est هذا التوحيد qu'ils ont rejeté, عيادا بالله. فأنت أخي الكريم, tes efforts, place-les في هذا. Tes efforts, concentre-toi في هذا. هذا العلم, علم التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. Même si tu le vois marcher, tu le vois se déplacer, في الحقيقة il est ميت, son cœur il est mort. Et مثل هؤلاء شيخ الإسلام أخبر أنهم ils seront jamais heureux, لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنهم ils ont délaissé la chose la plus importante, هذا العلم. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله سبحانه وتعالى il nous a tous ordonné هذا الشيء التوحيد. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر ولا في الخضوع له ولا في التذلل والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه. العلماء يتمونتخ أن هذا التوحيد c'est quelque chose de عظيم. هذا الجسد il a besoin d'un روح, une âme. Un corps sans âme c'est un corps mort. هكذا ton دين t'a besoin de التوحيد. فكم من الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى لكن يشركون بالله. Leur عمل, cette œuvre qui fait, elle n'est pas acceptée عند الله. لئن أشركت لا يحبطن عملك. الله سبحانه وتعالى il accepte pas. Donc أصل الأصول le شرط de ce دين pour que nos أعمال soient acceptées بإذن الله عز وجل c'est تحقيق هذا التوحيد. Comprendre التوحيد pour l'appliquer, كذلك comprendre هذا الشرك pour s'en éloigner. لأن ça suffit pas d'apprendre التوحيد, il faut apprendre كذلك son contraire. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بل ليس لهذه الحاج نظير تقاس به, فإن حقيقة العبد وروحه وقلبه لا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. Cet exemple qu'il a donné avec l'âme et le corps c'est pour te rapprocher فقط, وإلا يا aucune comparaison. لأن هذا العبد il sera pas heureux في الدنيا وفي الآخرة إلا, dans un cas seulement, c'est si il adore Allah سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكم من الناس الآن يتخبطون في الظلمات الشرك, que ce soit الشرك أصغر أو أكبر عيادا بالله. Pourquoi? لأنهم ils n'ont pas donné de temps, ils n'ont pas fait d'effort pour comprendre هذا التوحيد. تأملوا المثال de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه qu'on a lu auparavant. Vous voyez, s'ils sont touchés d'une maladie, ou un proche, خاصةً un enfant, s'il est touché par une maladie, tu les vois faire des asbab, azim. Et c'est tayyib. C'est bien de faire des causes pour se soigner. Bien sûr, en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le médecin a voyagé dans tel pays, c'est qu'un asbab. Al-Shifa biyadillahi azza wa jal. Lakin, pour vous montrer, quand une personne elle aime une chose, elle fait des efforts. Ou quand une personne elle veut une chose, elle fait des efforts. Et tu les trouves, ha'oula, kathir minhum, wa kathir minhum, wallahi alhamdi sont ala khayr, lakin kathir, minan nas, fi janib al-tawhid wa janib al-din, ils font pas d'efforts. Bel, Iblis, il a propagé une shubha, annahum ils font des mu'asib, bel ba'dhum ils font du shirk. Et à la fin, il dit Allah, il est ghafour, il est rahim. Il y en a qui ne connaissent pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nahnu ayyuha al-ikhwan, nos efforts, on doit les concentrer fi hada. La tamal min al-tawhid, min al-durus fi al-tawhid. La, c'est jamais assez. Lianna hada al-tawhid, on doit vivre. على التوحيد on doit mourir على التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إما على ذلك إن شاء الله له الجنة. فأون doit vivre على التوحيد et mourir على التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتوت tes œuvres, ta vie, ta mort, c'est لله عز وجل. فلهذا on continue, walillahi alhamd, à faire ces durous fi at-tawhid. Lianna c'est a'zam al-funun. Même les autres uloum, et on conseille nos frères, kadhalik al-inaya bil uloum, qui vont t'aider à comprendre had at-tawhid. Khassatan ilm al-lugha al-arabiyya. Lianna kalam Allah azza wa jalla il est bil arabiyya. La source de ce tawhid pour le comprendre, c'est le Coran. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il a un kalam jamil, il montre anna al-Qur'an kulluhu tawhid. Qur'an c'est du tawhid. Imma un appel au tawhid, imma mise en garde contre shirk, imma des récits sur al-anbiya qui ont propagé le tawhid, imma la récompense al-jannah, imma celui qui s'en écarté an-nar, c'est le châtiment de celui qui délaisse tawhid. Al-Qur'an kulluhu fi tawhid. Donc pour comprendre, il te faut la clé, c'est l'aura. Lakin ces efforts qu'on fait dans la langue arabe, c'est pour comprendre le tawhid. فلهذا c'est pas min al-hikma, c'est pas min al-tawfiq de étudier la langue arabe et délaisser al-tawhid. Abadan. Nous on conseille nos frères de rassembler les deux. Celui qui comprend pas l'arabe, walillahi alhamd, il y a des durous en français ou en français arabe, falhamdulillah yastafid. Et il néglige pas janib al-lugha. Lianna tu comprendras hada al-tawhid avec une compréhension tayyiba et sahiha. Et nafi'a, bi'idnillahi azza wa jal, avec la langue arabe. Amma avec la langue française, on rapproche le ma'ani, walillahi alhamd, il y a du khayr. Lakin celui qui veut avancer akthar, fayastafid min kalamillahi azza wa jal. Et kalamullah, c'est en langue arabe. Kadhalik min sunnatin nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est en langue arabe. Kadhalik min kalami ahli al-ilm, c'est en langue arabe. On ne doit pas toujours se reposer sur les traductions, là. Les traductions, c'est une étape, comme on répète souvent à nos frères, pour t'aider au départ. Amma hada ad-din, celui qui veut le comprendre, talib al-ilm, s'il veut avancer, il lui faut la langue arabe. C'est une clé azim. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, qad ja'ala Allah subhanahu li kulli matloub miftahan yaftahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala li hikmatin azim. Chaque chose, si tu veux la comprendre, tu veux la posséder, tu veux l'atteindre, tu veux la faire, il te faut une clé. Pour rentrer dans une maison, il te faut la clé. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi li kulli matloub miftahan yaftahu bihi faj'ala miftah as-salah at-tahur. La clé de salat, c'est at-tahur, al-wudu. Lian Allah la yaqbal salat bighayr at-tahur. Allah il accepte pas une salat sans l'wudu, sans tahara, sans faire ses ablutions. La bud, celui qui veut faire salat, il est obligé de faire l'wudu. قال ومفتاح الحج الإحرام. La clé pour débuter le hajj, c'est l'ihram. Tu dois te mettre en état d'ihram. قال ومفتاح البر الصدق ومفتاح الجنة التوحيد. La clé pour الجنة, c'est التوحيد. Personne ne rentrera الجنة sauf si il est mort à التوحيد. فالمشرك لا يدخل الجنة أبدا. قال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui meurt à la shirk billah, al shirk al-akbar, il rentrera fil nar. Et il rentrera jamais fil jannah. Fal miftah, c'est quoi? C'est pas une couleur de peau, c'est pas une origine. C'est pas katratul a'mal. Al miftah, c'est tawhid. Qala, rahmatullah alayhi, wa miftahul jannah, التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء مفتاح العلم كذلك pour avancer في العلم poser ces questions quand on comprend pas et كذلك الإصغاء écouter patienter مرحلة مرحلة tout doucement étape par étape revenir à أهل العلم c'est ça le سؤال poser tes questions tu طلب pas العلم comme tu veux comme tu penses là هذا العلم يا une méthodologie يا un parcours يا une façon d'étudier ولله الحمد nos savants contemporains ou ceux qui sont morts رحمة الله عليهم من أئمة السلف إلى يومنا هذا ils ont étudié العلم ils ont atteint des hauts niveaux فنحن si on veut avancer في هذا العلم المفتاح la clé c'est de revenir à هؤلاء فهي te montre والعلماء conseillent كثيرا de commencer par علم التوحيد Et celui qui ne comprend pas l'arabe, كذلك par des cours d'arabe. كذلك العناية بالحفظ. ولو des مختصرات. Bien sûr, القرآن الكريم, ما استطعنا من حفظه, ce qu'on peut. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, et des مختصرات, متون في التوحيد. Et dans des autres matières. هذا الكلام لابن القيم رحمة الله عليه, c'est un كلام مفيد. من حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح كذلك ابن القيم رحمة الله عليه بيّن أن هذا التوحيد سبب كل صلاح tout le bien que tu vois autour de toi c'est سببه la cause principale c'est التوحيد tout le mal que tu vois autour de toi la cause principale c'est contredire cet التوحيد قال رحمة الله عليه ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم c'est ça la cause du bien التوحيد obéir Allah سبحانه وتعالى obéir à son messager صلى الله عليه وسلم قال وكل شر في العالم و فتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم chaque chose que tu vois chaque mal que tu vois la cause c'est ne pas suivre la voie du prophète صلى الله عليه وسلم que ça soit في التوحيد أو في غيره donc نحن en tant que عباد en tant que مسلمون On doit donner de l'importance à ce point. Que beaucoup de gens, ils ont négligé khas satan à notre époque. Lil asaf. Qala, wa man tadabbara hadha haqqa at-tadabbur wa ta'ammala ahwal al-alam mundu qama ila al-an wa ila an yaritha Allahu al-arda wa man 'alayha wa huwa khayrul warithin wajada hadha al-amr kadhalik fi khassat nafsihi wa fi haqq ghayrihi 'umuman wa khususan wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Celui qui médite fi ahwal an-nas, il verra en toutes les fitan, tous les problèmes, toutes les catastrophes qui touchent la umma, as-sabab c'est mukhalafat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi at-tawhid et dans d'autres choses. Fata'ammal al-an al-fawda al-hasila fi ba'd al-buldan, ay al-khuruj 'ala wali al-amr, ça a provoqué ces révolutions, des meurtres, des attentats, les prix, ils ont augmenté. L'insécurité, tout ce bala, toutes ces fitan, as-sabab, c'est mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala azza wa jal, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ils ont khalaf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala btalahum. Il les a éprouvés. Et il les a châtiés. Pourquoi? Lianna mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait du mal. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bi ta'at wa lil amr. Tant que c'est un musulman, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de patienter. Man wajada min amirihi shay'an falyasbir. Si ce gouverneur il est injuste, il te fait du mal, fasbir. Lianna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara ka bis sabr. C'est ça la solution. لكن بعض الناس ils ont pas patienté, ils ont voulu régler les problèmes seuls. فتأمل ما حصل. Ça c'est un مثال فقط pour expliquer le كلام d'Ibn al-Qayyim. كذلك هذا التوحيد c'est un سبب عظيم في انشراح الصدر. كم من الناس الآن vivent في ضيق. Ils ont la poitrine serrée, le cœur serré. Voilà où ils ont de l'argent. Voilà où ils sont en bonne santé. لماذا؟ لأنهم ils ont délaissé ce tawhid, ou ils contredisent ce tawhid, ou ils font pas d'effort في هذا التوحيد. قال ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. Tu veux être مرتاح صدرك ينشرح أي ton cœur il soit apaisé. Et ولو si tu as un manque d'argent ou un problème de santé, il n'y a qu'une seule solution pour être مرتاح, à l'aise, reposé, c'est التوحيد. قال وعلى حسب أو حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. Plus ce mu'min il fait des efforts في توحيد الله عز وجل, plus ce mu'min il fait des efforts في العلم, plus inshallah il aura صدره ينشرح, أي se reposera. ولو il a un manque d'argent, un manque de santé, ولو il est éprouvé, il sera fait raha. C'est pour ça que t'as dit, et vous l'avez vu, un achat de nas qu'ils ont as-sadr dhayq, ils ont des problèmes, ils se sentent mal, bel ba'duhum yantahir, ba'duhum ils se suicident, walou il est en bonne santé, walou il a de l'argent, walou il a des enfants. Les madal et annahum, ils ont contredit hada tawhid. Wal qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. قال ابن القيم رحمة الله عليه قال الله تعالى فمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله سبحانه وتعالى كي أبز لك, الله سبحانه وتعالى كي قيد لك لا solution. أدعو الله سبحانه وتعالى السل إكرتوا دو الشرك وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه مقدمة مختصرة, وإلا فالكلام يطول في فضل التوحيد كذلك فضل العلم. On a déjà, ولله الحمد, avec les frères étudié, ou on s'est déjà rappelé ces مسائل كثيرا. ونحن va étudier ensemble, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق, cette رسالة مختصرة, الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. رسالة عظيمة نافعة. C'est des paroles de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمة الله عليه في التوحيد. المؤلف الشيخ القرعاوي il a rassemblé plusieurs paroles de Cheikh al-Islam sur التوحيد خاصة نواقض الإسلام, أو il a commencé par الأصول الثلاث, et كذلك il a cité des règles في التوحيد, il a cité les conditions de la ilaha illallah, il a cité les annulatifs de l'islam, نواقض de l'islam, et beaucoup de مسائل. فسي نرسالة جامعة في هذا الباب, et elle est résumée simple, et c'est كلام شيخ الإسلام. أما المؤلف رحمة الله عليه il a rassemblé كلام شيخ الإسلام, et il l'a rassemblé dans cette رسالة مختصرة. فسي عمل طيب. والشارح, celui qui explique cette risala, c'est Al-Allama, Al-Sheikh Ahmed ibn Yahya Al-Najmi, rahmatullah alayhi, min ulama al-Islam. Il est mort il y a quelques années, rahmatullah alayhi, et ses shuruhat, elles sont tayyibah, mukhtasarah, nafi'ah. Et nahnu, comme qulna fil bidaya, on avait étudié ma'a ikhwanina al-usul al-thalath, avec sharh Sheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayhi. كذلك القواعد الأربع avec شرح الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه, كذلك الأصول الستة الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. هذه c'est la quatrième رسالة. Les frères qui n'ont pas écouté les دروس précédents, الأمر سهل, لأن هذه الرسالة récapitule tout. إن شاء الله celui qui comprend cette رسالة, إن شاء الله يسرع على خير في هذا الباب. تنبيه أن Al-Jami' est celui qui a rassemblé هذا الكلام من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. Tout ce kalam c'est de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh. Et il cite les références ahyanan illa shurut la ilaha illallah min kalam hafidihi Cheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh sahib Fathul Majid. Al shurut c'est de Cheikh Abdurrahman rahmatullah alayh wa baqi al kalam c'est de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al jami' celui qui a rassemblé هذا الكلام c'est Cheikh Abdullah Al-Qara'awi, waffaqahullah. Ne pas confondre avec l'Allam Al-Qara'awi, l'imam, celui qui était fi janoub al-mamlaka, wa stafada minhu kathir min al-mashayikh, wa minhum hafiz al-hakami, rahmatullah alayhi, kadalik al-Sheikh al-Najmi, rahimahullah. Hada ghayru, c'est un autre. Ils ont le même nasab ou la même nisba, lakin hada c'est un autre. Hada il est encore vivant. نسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا جميعا التوفيق. Donc ne pas confondre avec القرعاوي الإمام qui connu أظن عند بعضكم. والمحقق للرسالة إلى نبع عن هذا قال وأحب أن أنبه طلبة العلم الناشئين وفقهم الله أنه غير فضيلة الشيخ الداعي السلفي المصلح عبد الله بن محمد. أما celui qui a rassemblé les واجبات c'est الشيخ عبد الله بن إبراهيم. Et l'allama, l'imam, al-muslih, al-sheikh al-kabir, c'est al-sheikh Abdullah ibn Muhammad, al-Qara'awi, rahmatullah alayhi, il est mort il y a plusieurs années. Qala sheikhina, al-sheikh Ahmed al-Najmi, rahmatullah alayhi, al-sharih li hadhihi al-risala. Donc al-Qara'awi, al-imam, c'est le sheikh de sheikh al-Najmi, rahmatullah alayhi. Amma al-jami' al-sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi, il est encore vivant, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il wafiqa. هذا سنتنبيه مهم نحن كنت لغى الرسالة أندغى قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سيسى كلام الشيخ الإسلام هذا أسهل أو أندغى قال المصنف أو المؤلف فالأمر سهل أنتم المهم وصابي كسو كلام سي كلام شيخ الإسلام السلوي كغسامبلي سي الشيخ عبد الله ابن إبراهيم القرعاوي وفقه الله نبقى كنفوند avec الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي الإمام هذا تنبيه avant de commencer la lecture de cette risale et inshallah on fera هذه الدروس on essaiera de اختصر الكلام et nos frères ولله الحمد ils avaient appris par cœur الأصول الثلاث وبعضهم القاعد الأربع فنحن ننصح les frères qui ont pas appris الأصول الثلاث d'apprendre الأصول الثلاث إن شاء الله avec القاعد الأربع كذلك نواقض الإسلام ثم إن شاء الله وفقنا الله سبحانه وتعالى d'étudier كتاب التوحيد d'apprendre كتاب التوحيد إن شاء الله c'est des moutons طيبة pour طالب العلم et ceux qui apprennent الأربعين النووية dans notre درس l'autre درس إن شاء الله ils continuent à apprendre l'Arba'in al-Nawawiyya et on étudie ensemble cette risale. Naktafi bihada. Aujourd'hui c'était Mujarrad Muqaddima et Inch'Allah la prochaine fois on commence l'étude de cette risale. On commencera directement la page 39. Amma, les premières pages c'est des biographies de Cheikh l'Islam, de Cheikh Najmi. Si vous les lisez, طيب للفائدة. أما نحن, on commencera direct الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. من عنده شيء يتفضل. Celui qui a une فائدة أو شيء يتفضل أو نكتفي بهذا القدر.